Oui, alors vous écoutez Futur Simple et nous allons retourner dans le Nord à la rencontre de François Clayé, étudiant au doctorat en sciences de la Terre à l'INRS et qui travaille pour le professeur Charles Gobin en biogéochimie. Oui, tout à fait. Alors François, tu vas nous parler des émissions de méthane dans les environnements nordiques. Bonjour. Oui, bonjour. Alors premièrement, François, si on faisait un rappel des gaz à effet de serre qui sont puissants. C'est ça. Alors le méthane, oui, c'est un gaz à effet de serre assez puissant. Là. Uh-huh. On peut le comparer en fait au dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi CO2. Le CO2, on le connaît bien, là, il est rejeté par la combustion des énergies fossiles. Donc à chaque fois qu'on prend sa voiture, on émet du CO2, mais aussi par la respiration des êtres vivants. Uh-huh. En ce qui concerne le méthane, il est environ 20 fois plus puissant que le CO2 en uh-huh. termes de gaz à effet de serre. Uh-huh. Et est-ce qu'il y en existe d'autres? Oui, il y en existe d'autres, je pense, oui. Des gaz à effet de serre. Il y a le protoxyde d'azote, c'est ça, le N2O. C'est ça, les CFC aussi. Les CFC, le SF6 aussi, qui est très très puissant, mm-hmm. je pense. Mais là, le CO2 et le méthane, ce sont les deux principaux, si on veut. Le méthane, par contre, il est responsable que d'une part limitée de l'effet de serre. Quand je dis effet de serre, là, c'est l'effet de serre global. Donc, il y a l'effet de serre naturel et puis l'effet de serre qui est humain ou anthropique. Uh-huh. Il représente à peu près 3 à 5%. Le CO2, lui, est bien plus commun à cause de nos émissions et il représente à peu près 25% de cet effet de serre-là, qui est l'effet de serre global. Mais la quantité de méthane va sûrement augmenter dans les décennies, voire les siècles à venir. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers notre discussion. Ok. Alors pourquoi le CO2 est plus connu que le méthane? C'est juste parce qu'il y en a plus. Ah, ok. Dans plus abondant. C'est ça. Ok, c'est carrément... En fait, okay. Oui. Pour donner un chiffre, là, c'est à peu près 380 parties par million, le CO2, alors que le méthane, c'est que 1,8 parties par million. Il y a vraiment une grosse différence. Et je pense qu'on a même traversé la barre des 400 parties par million récemment, je pense. C'est possible, CO2, là, parce que mes chiffres sont groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, le GIEC. Le GIEC. Exactement. Donc, leur dernier rapport date de 2007, donc forcément, les chiffres ont sûrement évolué. Mais je me base sur des sources fiables, donc j'ai pris le GIEC. Donc le plus abondant, c'est le CO2, mais le plus puissant entre les deux, c'est le méthane. Oui, on sait que on pourrait dire en fait qu'une molécule de méthane, ça a le même effet que 21 molécules de CO2. Quoi. Tout à fait, okay. C'est ça. Et en fait, le méthane, comment il se forme? Alors, on connaît tous sûrement l'exemple typique des ruminants, comme la vache ou le mouton qui émettent du méthane. C'est comme ça que les végétariens nous disent que consommer trop de viande, c'est dangereux pour notre planète. Okay. Mais là, c'est un autre débat. Donc le méthane, il provient principalement des plans d'eau peu profonds. Uh-huh. Ça représente à peu près 30%, donc les marais, les rizières, les lacs. À hauteur de 21%, c'est la combustion des énergies fossiles, donc comme le CO2. Ouais, okay. Il y a aussi les ruminants, donc nos vaches et nos moutons, qui représentent à peu près 16%. Et le reste, c'est les déchets humains, comme les décharges ou encore les termites, des choses un peu plus anecdotiques, comme ça. Donc toutes ces émissions, ça représente à peu près 500 mégatonnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment beaucoup, là, mais c'est 16 fois moins que le CO2. Ah, ok. Et à peu près 75% est d'origine humaine. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Et ces émissions-là augmentent d'environ 0,01% par an. Donc c'est vraiment okay. C'est pas beaucoup. Alors tu disais que c'est 75% d'origine humaine. Donc oui. La plupart est d'origine humaine. Oui. On parle du méthane. C'est ça. Ok, j'aurais pensé que c'était plus d'origine... Ok, donc non, les humains finalement ont une grosse contribution. Oui, là. Tout à fait. Oui. Et en fait, en quoi est-ce que le méthane produit au fond des lacs est dangereux ou important pour l'effet de serre dans l'atmosphère? Alors d'abord, j'ai d'abord expliqué oui. comment il se forme au fond des lacs. Oui, donc, oui, tout à fait. Le méthane se forme à partir de la matière organique. Donc c'est des feuilles, des algues ou des restes d'êtres vivants qui peuvent s'accumuler au fond du lac. Okay. Donc ça va être éventuellement enfoui dans les sédiments. Mais parallèlement, cette matière organique... est dégradée. Donc dans la colonne d'eau, dans un premier temps, elle va être oxydée par l'oxygène, puis après par d'autres oxydants qui sont un peu moins importants, comme les sulfates par exemple. Okay. Et une fois qu'il n'y a plus d'oxydants, okay. la matière organique peut alors fermenter et se transformer en méthane. C'est ce qu'on appelle la méthanogenèse. Ok, donc ça se fait, si je comprends bien, un milieu anaérobie. Là. Il n'y a plus d'oxygène, plus d'oxydant. Donc c'est souvent au fond des lacs dans les sédiments. Ah ben oui, c'est un fait. Ben oui, parce que l'oxygène souvent est à la surface des lacs, puisqu'il est en contact avec l'air, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, donc je comprends. Alors pour revenir à ma question, finalement, en quoi est-ce que le méthane produit au fond des lacs est dangereux lui, pour l'effet de serre? Alors il faut savoir que le méthane est très peu soluble dans l'eau, beaucoup moins que le CO2, parce que le CO2 il a des équilibres avec les bicarbonates et toutes sortes d'ions. Donc le méthane va être facilement émis vers l'atmosphère. Contrairement au CO2 aussi, il n'est pas fixé massivement par les êtres vivants, puisque le CO2, lui, il est impliqué dans la photosynthèse, qui est l'action de fixer le CO2 et de rejeter de l'O2 sous l'effet de la lumière. C'est la base de la photosynthèse. C'est ça, tout à fait. Alors, certains chercheurs suédois ont montré récemment que les lacs émettent jusqu'à 16% du méthane naturel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait sous-estimé jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment sous-estimé les sources d'émissions de gaz à effet de serre d'origine continentale. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé qu'un lac émettait du méthane. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Ouais, c'est un fait. Pourtant, je sais que les barrages d'Hydro-Québec, eux, en émettent. Mais là, je sais que parce qu'il y a un phénomène d'ennoiement, donc de putréfaction, ça existe quand même. On apporte un peu plus de matière organique et puis on va troubler les eaux du fond, on va accumuler la matière organique au fond du lac. Et les taux de méthanogenèse sont 20 fois plus importants dans les lacs formés par des barrages que dans les lacs naturels. Ok. Donc ça a vraiment un impact. Là. Ça a un impact. À cause de la matière organique qui est ennoyée et qui se dégrade en absence d'oxygène. Quoi. Ouais. Ça revient toujours à ça. Là. C'est ça. D'accord. Et on disait que les émissions étaient très difficiles à quantifier, effectivement. Mmh. Alors, on peut développer... Est-ce qu'il y a des techniques utilisées pour... Oui, il y a des techniques. Il y a certains chercheurs qui ont utilisé des chambres à air qui capturent le gaz émis à la surface de l'eau. Ou alors, on peut encore mesurer le méthane dans les eaux interstitielles, dans les eaux dans les sédiments, et quantifier les flux de méthane décidément vers la colonne d'eau. Ok. Ou encore, on peut utiliser des modèles à l'échelle des sédiments ou de la colonne d'eau pour faire le bilan du carbone ou du méthane. Mais à cette heure, il n'existe pas encore de modèle à l'échelle du lac entier. Donc c'est encore difficile de calculer ces flux. C'est ça. Et tu as mentionné au début que ces émissions de méthane vont s'amplifier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, ou en quoi? Alors, au fond des océans, on a estimé à entre 500 à 2500 gigatonnes de méthane qui sont stockées sous forme d'hydrates de méthane qu'on appelle les clatrates. Ok, tu peux nous expliquer ce que c'est un clatrate? Alors c'est une molécule de méthane qui est tout simplement associée à une molécule d'eau. Ok, pourtant je vois pas naturellement cette association-là, parce qu'un est hydrophobe... Évidemment non, parce que... Mais en fait c'est sous l'effet de la pression. On est au fond des océans, on est à 4 ou 5 kilomètres sous l'eau. Donc c'est pas en surface. Non, il y a une zone de stabilité justement qui est vraiment profonde. Qui est due à la pression probablement. La pression et évidemment à la température. Ah oui, c'est vrai. Parce que si on augmente la température de ces fonds océaniques, le champ de stabilité de ces clatrates va changer et du coup, ces quantités de méthane qui sont sous forme d'hydrates vont être libérées dans certaines zones, j'imagine. Donc on peut, avec la hausse des températures, libérer d'énormes quantités de méthane. Mais sous forme gazeuse, effectivement. Sous forme gazeuse, donc ça serait des bulles des océans, tout simplement. Mais dans les systèmes climatiques, les océans sont plutôt lents à réagir. Surtout quand on parle de fond océanique, là c'est au fond de l'océan. Okay. Donc je ne dis pas que c'est un problème qui n'est pas grave, mais ça va être un processus qui va être plus lent à se mettre en marche. À cause de... Parce que c'est au fond des océans et les océans sont relativement inertes. Ok. À la température. L'air va se réchauffer facilement, refroidir facilement, mais l'eau est relativement inerte. Okay. Oui. Donc, si on veut, ça va être une vraie bombe à retardement. Okay. Ces clatrates-là. Après, on a un peu plus d'incertitudes sur les environnements nordiques, la vitesse des processus, parce qu'il y a énormément de méthane qui est stocké dans les glaces. Donc, on estime entre 400 gigatonnes à 1000 gigatonnes de méthane qui est stocké sous les banquises ou encore les sols gelés, qu'on appelle les pergélisols. Donc c'est un petit peu moins que dans les océans, mais c'est toujours 1000 fois plus que les émissions annuelles. Donc ce méthane-là, vous pouvez le trouver en tapant sur YouTube « Ice Methane » en anglais. On peut le voir, c'est ça? On peut voir des gens briser la glace pour laisser s'échapper le méthane. Et puis si on allume, on assiste à un vrai chalumeau au méthane naturel. Donc c'est vraiment impressionnant. Dans la glace, en fait, sur un fond de glace. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est contre-intuitif. Donc, on a des très grandes quantités de méthane qui peuvent être relâchées rapidement avec la hausse des températures. Mais donc, avec ce méthane dans les glaces, dans les sols gelés, on a aussi de la matière organique. Cette matière organique, si elle est relâchée dans les plans d'eau, elle peut aussi se transformer en méthane. Et à côté de ce processus-là, la hausse des températures favoriserait aussi la croissance des êtres vivants, donc l'apport en matière organique, et donc la production de méthane. Il y a comme une boucle de, on appelle ça une boucle de rétroaction. Un cercle vicieux. C'est ça, un cercle vicieux. Donc, tous ces processus sont quand même difficiles à quantifier et à prévoir. Et ça peut quand même conduire à une forte hausse des émissions naturelles de méthane et donc à une accélération du réchauffement global. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la situation? Alors moi je dirais qu'à ce stade, la machine climatique est en marche, c'est difficile De l'arrêter. De l'arrêter, oui. On peut seulement sauver les meubles, il ne reste plus qu'à nous adapter et puis prévenir les dégâts. C'est ça. Mais bon, ça c'est mon avis personnel après. Donc au niveau du méthane, la plupart de nos connaissances nous viennent du domaine océanique. Donc ce qui reste à faire, c'est faire de la recherche dans les domaines continentaux, donc dans les lacs. On connaît très peu le méthane et les réactions qu'il implique sur les continents. Donc c'est une priorité de comprendre les mécanismes qui impliquent le méthane et comment il est impliqué dans le cycle du carbone en général. Donc dans un premier temps, il faudrait comprendre la composante naturelle pour être capable de prédire, avec le réchauffement climatique, les émissions de méthane. Donc c'est l'un des objectifs de mon projet de doctorat, c'est de mieux comprendre ces réactions, de les quantifier et d'éventuellement les modéliser à l'échelle du lac. Ok. Oui, ça serait... Et dans les conditions nordiques, là. Oui, c'est ça, dans les lacs boréaux. Et est-ce qu'il y aurait moyen de capter ces émissions-là, comme on le fait parfois dans certains sites d'enfouissement, où on capte le méthane et puis on fait de l'électricité avec? J'imagine que c'est trop des émissions diffuses pour que ça puisse... Oui, c'est très diffus. Alors, il faudrait développer une technique pour concentrer ce méthane-là, parce que là, on parle de quelques parties par million. Donc, il est vraiment très dissous. Oui. Il brûlerait même pas comme ça, même si on mettait une allumette. Ça s'enflammerait pas comme le. En fait. Comme la torche. Oui, c'est ça. Sur les banquises, il est juste concentré sous forme de bulle dans un endroit précis. Donc en cassant à cet endroit-là, il y a une grosse bulle qui s'échappe et ça fait. On peut l'enflammer. Mais c'est plutôt rare de trouver des choses comme ça. C'est ça. Et le flux est assez grand pour continuer, pour alimenter la flamme, c'est ça. Dans ces cas-là. Mais écoutez, merci beaucoup François Clayer pour avoir partagé ses connaissances avec nous. Je vous rappelle que vous êtes étudiant au doctorat. En fait, je rappelle, c'est-à-dire aux auditeurs, pas à vous personnellement parce que vous le savez, que vous êtes étudiant au doctorat en sciences de la Terre à l'INRS. Alors, merci infiniment. Oui, merci à vous. C'était un vrai plaisir. Oui.